agir, réagir, trop de choses à dire, arrêter de me mentir, un avenir incertain à construire, un empire, médisant des jaloux. Moi ce que je kiffe, c'est poser des riffs, par rafale, poser des rimes pour les rats de ma rue, avec qui je rentre dans le rap comme un rat de marée. La Dream Team, y'a que des rots qui veulent rapper, ou que des rots qui cherchent à sortir par la grande porte. On veut passer le cap dans un art où la sortie se résonne avec une souris. Je m'en tape, je m'adapte, j'adapte mon flow à ma life. Je rime à l'instinct, un instant, une envie de faire des biscuits. Tremper mon biscuit, sache qui m'incite, c'est ajouter des flics qui me salissent. C'est ça le contentieux qui m'asphyxie. À mon âge, je ressens trop les problèmes. Souffle, toi, agir avec ruse pour pas finir piqué par la rue. Là, tu ne rates pas. Au bout de mon canon, moi, tu me roses. Pas tant de l'autre jour, orageux. Regarde pas, faire d'un vœu, cotiser un baveux. 42 dans le cas. Comme un gang com, dois agir avec adresse. Agir sans stress, mais qui blesse. Comme un gang com, El Colombiano Felipe. Agir, je me sens irrité quand y'a le spell. Je me sens impliqué le week-end d'alcool. Invité, la street m'a invité. Puis on s'est lié d'amitié. Des fragments de Chico sur mon casier. Ici on veut tous la place du baron. Ici va en bas des blocs. On nous a laissé que la division. La baston toujours la meilleure cible du FN. Les mauvais exemples pour la droite, la izquierda. Toujours envie de se battre, marre de passer à la trappe. Une envie prise de tristesse, biaiser le silence avant le coucher de soleil. Voilà ce que ma plume pose, c'est comme un braco. Sans être le héros, rappeur, je caliente. J'remplis un avenir de syllabes. C'est l'inspiration en action, réaction pleine d'adresse. Face à ceux qui tentent de pression en forme de réaction. I have a dream comme une pression. Essaie pas de comprendre une âme perdue qui rappe à l'instinct. Moi ce que je kiffe, c'est poser mes rives, ainsi que mes grilles. Sur un truc plus clean, c'est qui dit. Des grilles, la gifle prend du smic, la police en qui des visibles, la classe en costa, fiché en costla, la coca nostra, mais qu'est-ce qu'il y a, oh là, mais qu'est pas ça. Agir, réagir, trop de choses à dire, arrêter de me mentir, un avenir incertain à construire, un empire, méfisant des jaloux à la bête, la paix chapée lourd, comme le pèlerinage du rap. Agir, réagir, trop de choses à dire, arrêtez de me mentir. Un avenir incertain, construire un empire. Me disant des jaloux à la belle poule. J'en revois les roues, mais comment veux-tu rester cool? J'ai ta longue détour, le retour. Viens voir en bas des tours, on nous pousse dans la bouse. Ils disent qu'on fout la trouille. Est-ce qu'ils nous coûtent, en vrai, c'est ces cuts quand j'ai cru. Ma game quand, faut agir avec adresse. Agir sans presse, mais qui blesse, comme un gang comme héros, t'es déplacé en bas du bloc. J'en ai un gros chaud, sous le porche, ça sent le port. Dans mon cœur, ça sent le tort. Les remords en mode record, enregistre mon frère. Agir, réagir, faut des choses à dire, arrêtez de mentir. Un avenir incertain à construire, un